Exercice 10, page 145. A. Qu'est-ce qu'elle écoute? Transformer. Elle écoute quoi? B. Qu'est-ce qu'elle commande? Transformer. Elle commande quoi? C. Qu'est-ce qu'elle confond? Transformer. Elle confond quoi? D. Qu'est-ce qu'elle organise? Transformer. Elle organise quoi? E. Qu'est-ce qu'elle regarde? Transformer. Elle regarde quoi? F. Qu'est-ce qu'elle regrette? Transformer. Elle regrette quoi ?